Et Pauline parla de son premier amant, un clerc d'avoué, qu'elle avait connu dans une partie, à Meudon. Après celui-là, elle s'était mise avec un employé des postes. Enfin, depuis l'automne, elle fréquentait un vendeur du bon marché, un garçon très gentil, chez lequel elle passait toutes ses heures libres. Jamais qu'un à la fois, du reste. Elle était honnête. Elle s'indignait lorsqu'on parlait de ces filles qui se donnent au premier venu. « Je ne vous dis point de vous mal conduire, au moins, » reprit-elle vivement. « Ainsi, je ne voulais pas être rencontré en compagnie de votre Clara, de peur qu'on ne m'accusât de faire la noce comme elle. Mais quand on est tranquillement avec quelqu'un et qu'on n'a aucun reproche à s'adresser, ça vous semble donc vilain ?»« Non, » répondit Denise, « ça ne me va pas, voilà tout. » Il y eut un nouveau silence. Dans la petite chambre glacée, toutes deux se souriaient, émues de cette conversation à voix basse. Et puis, il faudrait d'abord avoir de l'amitié pour quelqu'un, reprit-elle, les joues roses. La lingère fut très étonnée. Elle finit par rire, et elle l'embrassa une seconde fois en disant « Mais, ma chérie, quand on se rencontre et qu'on se plaît, êtes-vous drôle? On ne vous forcera pas. Voyons, voulez-vous que dimanche, Bogie nous conduise quelque part à la campagne? Il amènera un de ses amis. » « Non, » répéta Denise avec une douceur entêtée.